C'est fou comme un balai. C'est fou de la scène émergente. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbay vient nous parler de Yoko Ono dans sa chronique Police Dead. Et les toutes dernières nouvelles du futur dans la chronique Geek Phoenix. Tout ça et plus encore à Assemblage requis. En cas d'urgence, veuillez sonner Kiwan et Mathieu Plante. Bonjour Mathieu, bienvenue tout le monde à Assemblage requis. Bonjour Kiwan. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui. Essoufflé un peu? Ben toujours pris avec mon petit problème de gorge, comme tu peux voir. Ça en va pas, celui-là, il commence à être fatigant là. Ouais, c'est curieux. Ça va de mieux en mieux, mais quand même. Ah, que voulez-vous, ça arrive une fois de temps en temps. Sinon, mais aujourd'hui à l'émission, on va avoir Simon Fitzbay, hein, qui est semi-présent, et omniprésent, je pense que c'est le mot plus approprié. Omniprésent, ici assez fou, avec sa chronique Paul is Dead. Il va nous parler de Yoko Ono. Ça se passe dans une vingtaine de minutes environ. Je sens que Simon est à veille d'arriver et venir nous voir. Sinon aussi dans l'émission, il va avoir une chronique CNX. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de nouvelles du futur, plein de choses qui s'en viennent dans un futur plus ou moins rapproché. Là, entre autres, une découverte qui pourrait mener à de super puces de sécurité. Aussi avoir une clé USB infinie. Je sais que c'est très intriguant. C'est pour ça qu'il faut rester là pour CNX tantôt. Parfait. On va commencer ça tout de suite en musique avec un extrait du palmarès francophone. C'est les trois accords avec la pièce Croquer les coups. Cracking the cool! Assemblage requis sur ses fous. Cache les nichets des bras. Le groupe Freeze Pop, qu'on vient d'entendre avec la pièce Front Load, le groupe Freeze Pop, que je connaissais pas vraiment, mais qui est en spectacle avec un groupe que t'aimes beaucoup, Mathieu, Plush Gun. Oui. Et je te dis ça comme ça, ils vont être à New York le 10 avril, c'est l'endroit le plus proche de Trois-Rivières où ils vont passer. Une chance que c'est pas Berlin, comme d'habitude, c'est tout le temps Berlin, mais là, c'est pas Berlin. Tu veux, c'est super accessible comparé à Berlin, New York. I love New York, comme ils disent, c'est chandail, hein? Bon. Vous êtes à Assemblage Rocky, émission du retour en pièces détachées. À New York, là, sais-tu qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce que tu es à la mode là-bas? Comme à peu près partout dans le monde, oui. Je dirais. Les sushis. Ah, bien deviné, les sushis. Et nous, on se sent généreux. Te sens-tu généreux, toi? Ben oui. Et moi, je me sens généreux, oui aussi. Donc, à deux, ben, on est extrêmement généreux et on vous offre un coupon rabais, en fait, chez Yuzu Sushi. 10$, c'est beaucoup pour des sushis. Moi, j'aime ça. Donc, on vous offre ça si vous nous téléphonez. Tout de suite au 376-5183, 819-376-5183. On a 10$ de sushi à vous donner tout de suite. Et en attendant, nous, on va aller en musique avec le groupe Hooded Fang et la pièce Circles and Blocks. Évidemment, on prend le temps de remercier Yuzu Sushi. Merci. Énormément. Merci, Yuzu. 819-376-5183. Thank you. Le groupe Mange Tout avec la pièce Purple Fish Family, c'est un groupe franco-italien. Franco dans le sens qu'ils viennent à la fois de la France, de l'Italie, puis une couple de places là, en Europe. Bref. Ils ont provoqué des discussions sur la cuisine, parce que là, on se demande, les pois Mange Tout, c'est lesquels? Puis les autres, les petits pois verts là, qui sont comme tout mous puis dégueulasses, là, c'est comment ça s'appelle ça? Je suis tout mêlé, moi. Mais de toute façon, l'opinion finale, là, c'était que tu détestes tout ce qui ressemble à un pois. Ouais, à peu près, ouais. À peu près, ouais. Puis on les achète congelés à la maison, donc je vois pas dans quel genre de petit étui à pois ça va, ces affaires-là. Là. Ouais, ça, des pois mange-tout, ça ressemble plus à une fève là, qu'à un pois. Là. C'est ça. Les pois sont comme encore à l'intérieur de la fève. Là, en tout cas. Ah! Bref. Chronique culinaire la semaine prochaine à Assemblage Requis. Et toutes les semaines après ça. On a très hâte. Bref, la formation Mange-tout, Mange-tout. Menchtout. Menchtout. C'est chic comme. Ouais. Vous êtes Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. On continue comme ça. Et en passant, on a un site web, assemblagerequis.com, avec les liens de l'émission d'aujourd'hui, les balado-diffusions. Plus tard dans l'émission, il va y avoir une chronique technologique CNX. En parlant de site web, les liens y sont déjà. Si vous voulez voler des punchs à vous-même et écouter la chronique seulement de façon une oreille-esque, genre écouter seulement d'une oreille, ça se dit pas vraiment. Ben pour les uni-oreillistes. Les handicapés de l'oreille. Ouais. Aussi, Simon, ça vient dans quelques minutes. Je sais pas si ça va nous aider à nous sortir de cette situation qui va nulle part. Ça va nous renfoncer, je pense. Ça se pourrait. Mais pour l'instant, on va aller écouter un peu de Polype qui vont être en spectacle ce soir à l'Embuscade, à Trois-Rivières, ici. Et possiblement de passage à C'est fou prochainement. Peut-être l'émission dans la dernière porte à gauche. On le souhaite, en tout cas. On aimerait bien ça, les revoir. On va entendre, tiens, la pièce qui est sur le palmarès francophone en ce moment, Presse Citron. Tout de suite, à Assemblage Requis. Yeah.

Bon, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Tantôt, on va avoir une chronique technologique CNX avec des nouvelles du futur. Oui, c'est vrai, je ne vous mentirai pas, vous êtes tellement fin avec moi. Tout de suite, on écoute un petit peu de Bravo Funken, voici les animaux. Comme ça, Assemblage requis. Les gars ont l'air d'avoir de la misère avec quelque chose. Je vous dirais pas quoi, mais ils sont comme tout là, puis sont comme. Ils sont vraiment, ils ont l'air de gars. Ils sont comme. Ça va bien, ça va bien. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Et moi qui danse sous le pont, et toi qui chante tes poumons, on joue ensemble aux animaux. Griffes dans mon cuir et tes dents dures dans ma fourrure me font rire de plaisir. Et on fume écartelé un beau dimanche ensoleillé. Valse Parietta et la pièce Givresse, c'était en tout cas aux dernières nouvelles la position numéro 1 du palmarès francophone, mais il y a un nouveau palmarès qui commence demain. Oh oh! Pour l'écouter demain si on veut savoir si c'est toujours numéro 1. Exactement. Savez-vous quoi? Quoi? Il n'y a pas juste CNX dans quelques secondes là, dans la vie. Il y a aussi la nouvelle pub dont on s'appelle Léon Desjeunes. Ben oui, c'est vrai. On l'écoute. On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le matin du Job Job Bar. On s'appelle Léon Desjeunes le matin. Ça fait. On s'appelle Léon Desjeunes le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est d'Adec. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est de l'actualité nationale et utérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle Léon Desjeunes tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Elle dit tout ça, c'est pas vrai, je me suis pas trompé. Présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Ben oui. Là, par exemple, tu t'es trompé. Ben oui, mais je me suis pas trompé. Là, je l'ai fait en one take, puis après ça, on a enregistré des fausses, des faux bloopers. Tu sais. Ça aurait pu finir par genre « Simon! » C'est comme « Kudo, ça en fait cacher. » Oh, hey, ça aurait été pas pire, ça. Ouais. Hey, si j'aurais pas écrit ça sur le coin d'une table, là, je l'aurais rajouté. C'est une napkin. Ouais, c'est une napkin. T'as-tu écrit les bips et tout, non? Non, ça, les bips, c'est l'ingéniosité de notre producteur des pubs, Danny Janvier. Son excellence. Son excellence, Maître Renard. C'est quoi la suite de ça, non? Je sais pas, il dit tout le temps ça quand je parle de Jean Leloup. Je l'appelle Maître Renard aussi. Maître Renard sur un clavier avec une souris devant un écran puis qui écoute la chronique. C'est Nix. Hey! C'est Nix, la chronique de la vie de la radio. Tesh.com. Oh, oh, on avait promis des moments inconfortables, attention. Oh. Ah, oh, j'ai plié par-dessus. Nous, c'était inconfortable, c'était comme voulu. C'était comme... Ah, ok. Ouais. Ouais, cool. Nouvelle du futur. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on parle de nouvelles du futur, des choses qui vont arriver dans un futur plus ou moins rapproché dans votre vie de geek. Là. Et là, on va essayer de faire de comprendre toutes ces nouvelles-là qu'on va vous garocher en pleine face. Et Simon est avec nous, Simon Fitzbé, dont on s'appelle On est des jeunes. Même. Ben oui, en étant un geek responsable, je me suis dit je vais rester pendant la chronique CNX. Et Kiwan. Ouais, mais je peux vous laisser par contre, si vous préférez. C'est pas un geek responsable. Être entre geeks, là, je peux peut-être vous laisser, non? Ouais. On essaie de faire comprendre les affaires. Non, parce que des fois, si jamais on est en conflit Mac versus Linux, ben, tu vas pouvoir les séparer. C'est bon. Ouais. C'est moins intense entre Mac et Linux qu'entre Mac, Linux et PC. Ouais, là, ça, c'est une méchante bataille. C'est un autre débat, ça. Et si la peau du corps pouvait servir de surface où il serait possible de naviguer comme sur un écran tactile, nous demande un article de Branchez-vous. C'est le pari que tous les chercheurs que font les chercheurs de Microsoft et de l'Université Carnegie Mellon de Pittsburgh en Pennsylvanie. Le résultat de leur recherche, c'est Skinput, une interface expérimentale permettant de transformer le plus grand organe du corps, c'est-à-dire la peau, en écran. En as-tu entendu parler de ça? Non, aucunement. Bon. Pour ce faire, des senseurs biométriques captent les différents motifs sonores produits lorsqu'on tape sur le bras ou sur la paume de la main. Chacune de ces régions possède une signature acoustique qui lui est propre. Il est alors possible d'associer à chacune de ces signatures une fonction, par exemple composer un numéro de téléphone, des gestes comme pincer les doigts ou simuler une chiquenouille. Pichenote, là, vraiment. Peuvent également être utilisés pour activer différentes fonctions. On s'attend à ce que la technologie Skinput soit en mesure d'envoyer des commandes aux téléphones mobiles ou aux ordinateurs portables, via une unité sans fil comme Bluetooth. Son pourcentage de précision atteint les 95%, même lorsque le corps est en mouvement. Un tel gadget, selon les chercheurs, pourrait redéfinir notre perception des gestes communs. Quelqu'un qui tambourine nerveusement des doigts sur une table pourrait en fait être en train d'envoyer un message texte. Une claque sur le front pourrait ouvrir une page web, etc. Ah, ben oui, ça a tellement de sens. Allez voir la vidéo de Skinput sur l'article d'assemblagerequis.com. Ça veut dire que... Non, vas-y. Ouais, on se bat ici. Hein. Ça veut dire que si je me flatte la main, je pourrais comme faire descendre mon écran, là, aller voir plus bas dans la page Internet. C'est ça. Oh. Tu te secoues une tétine pour ouvrir la mine démarrée. Tout peut se faire dans la vie, ça s'en vient. Je suis sûr que c'est le genre d'idée ça, qui a été trouvé pendant un party de fin de session universitaire. Puis il y a du monde qui avait fait... des substances bizarres, puis là, ils sont mis à se toucher, puis ils se sont dit « Ah, waouh, ça serait terrible! » C'est sûr que c'est un mauvais buzz d'ecstasy, celle-là. Ouais, ouais. C'est pas fou. Mais comme toute bonne technologie émergente, je suis sûr que la porno va prendre ça rapidement, faire un bon usage très, très rapidement de cette technologie-là. À chaque mouvement, une nouvelle image. Uh-huh. C'est ça. Un groupe de chercheurs de l'Université de Floride, mené par un lauréat du prix Nobel, Harry Kroto, vient de découvrir que le recours à quatre types de cristaux lors de la fabrication de puces pourrait sérieusement compliquer la vie des pirates. En effet, ces cristaux viendraient complexifier le processus d'extraction de données des puces, ce qui les rendrait beaucoup plus difficiles à décrypter par des pirates. Pour ce faire, deux méthodes de stockage sont envisagées par les chercheurs pour crypter les données sur les puces de sécurité. L'une repose sur l'électricité et l'autre sur le magnétisme. Or, on ne se termine pas là la liste des effets positifs de ces cristaux. En plus d'améliorer la sécurité des puces, les cristaux en question pourraient être utilisés pour concevoir de nouveaux types de matériaux. Ces derniers seraient en mesure d'augmenter la capacité de stockage électronique entre 1000 et 1 million de fois. Si les chercheurs réussissent leur pari en concevant leur nouveau média de stockage, les dispositifs capables de stocker 1 gigaoctet pourraient voir leur capacité augmenter jusqu'à 1 exabit, c'est-à-dire 1 million de bits de données. Ce qui se ferait évidemment sans augmenter les dimensions des dispositifs de stockage électronique. Cette nouvelle génération de puces serait même plaire aux plus ardents défenseurs de l'environnement, puisqu'elle intégrerait une moins grande quantité de composants toxiques. Par exemple, plutôt que d'avoir recours au plomb, les matériaux composant les puces contiendraient du fer et du manganèse. On augmente les capacités. Un dit quoi? Un dinabit. Je le trouve pas, là, bro. Dans le fond, c'est un million de millions de... C'est un exabit. Un exabit. Exactement. Des milliards de d'octets. Un million de millions de bits. Dans le fond, c'est... En tout cas, c'est beaucoup. C'est un avec plein de zéros, genre, beaucoup, là. Ouais. Hey, la technologie n'arrête pas. Et voilà. La clé USB infinie, maintenant, c'est notre prochain sujet. La compagnie Infinitec a finalement annoncé les détails d'un nouveau produit très attendu qui est une clé USB infinie, pouvant être utilisée sur à peu près tous les appareils électroniques, d'un lecteur DVD à une console de jeu en passant par une imprimante. Le fonctionnement de la clé est un peu plus simple, nous dit-on. En fait, il suffit de l'installer sur un ordinateur muni d'une connexion Wi-Fi. Un réseau se créera ensuite entre la clé et l'ordinateur, ce qui permettra, par exemple, d'avoir accès à tous les films sur son ordinateur si son lecteur DVD est muni d'une prise USB, ou encore de transférer autant de fichiers qu'on désire entre deux ordinateurs. Même chose avec une console de jeu, votre clé permettrait de sauvegarder et d'accéder à vos documents directement sur votre ordinateur, à condition qu'il soit ouvert, simplement en la branchant dans votre console. Les utilités de la clé IUM sont nombreuses. Celle-ci permet notamment de transformer n'importe quelle imprimante qui peut lire sur les clés USB en imprimante sans fil. Elle permet d'accéder au contenu multimédia de son ordinateur avec son téléviseur, si celui-ci peut lire les clés USB, évidemment. Ce qui me semble rare. L'IUM offre une connectivité 802.11n et elle supporte les systèmes FAT32 et NTFS. Elle peut être utilisée sur n'importe quel genre d'ordinateur, mais elle doit obligatoirement être configurée sur un ordinateur muni de Windows. Elle devrait être disponible le 1er juillet pour environ $130 américains. Reste à voir si elle fonctionne aussi bien en pratique que ce qu'on annonce. Eh ben, je pourrais pas m'en procurer une. Non, mais t'as pas un dual boot? Oui, effectivement. Voilà, hey, c'est une nouvelle découverte que j'ai faite, ça c'est génial. Ah. J'utilise jamais Windows, mais je l'ai quand même encore. C'est toujours bon à avoir, des fois il y a des logiciels que tu dois servir qui ont juste possibilité de fonctionner sur Windows, ça arrive! Ouais, dont les logiciels de mon programme. Donc, de ton programme de cours, là, à l'école. Mon programme de cours, oui, à l'école. Pas mélanger programme et programmation. Programme de radio, programme de télé. Hein, aussi. Et programme, regardez mon programme! Programme de pièces de théâtre. Voilà. L'évolution technologique se fait rapidement depuis les dernières années, on sait. La réalité rejoint la fiction, dit un article de BOM Interactif. La réalité rejoint la fiction. Oui, les gadgets vus dans les films de James Bond sont à notre portée. Les technologies utilisées par les personnages de Star Wars seront bientôt existantes, nous dit-on. La compagnie Interaxon à Toronto est sur le point de lancer une technologie qui va permettre à ses utilisateurs de poser des gestes simplement par la pensée. Depuis quelques temps déjà, elle a permis au public de contrôler certains éclairages importants en Ontario, comme celui des chutes Niagara, de la Tour de Toronto et même du Parlement, grâce à une interface cerveau-ordinateur. Il est maintenant possible de convertir les effets de la pensée en action grâce à une interprétation des signaux cérébraux. Et je cite, « Nos cerveaux sont des organes électriques, ils émettent un signal et on peut lire ça. De la même façon que nous utilisons une antenne pour syntoniser une station de radio, nous pouvons capter les stations du cerveau. » C'est ce qu'a dit le directeur d'Interaxon. On tentait de développer cette technologie pour les personnes handicapées, mais voilà que tout le monde risque d'y avoir accès par l'entremise des jeux vidéo. Dans ce domaine, c'est effectivement une voie que l'on souhaite exploiter sous peu. Déjà, la compagnie américaine Emotive s'apprête à révolutionner les jeux vidéo grâce à un casque avec 14 capteurs capable de contrôler les réponses émotionnelles de son utilisateur. Ce n'est qu'une question de temps et très peu de temps, dit-on, avant de pouvoir réellement agir par la pensée. Comme ça, nous autres, on sera pas obligés de venir animer. On va pouvoir juste penser à nos émissions et ça va se transmettre directement dans la tête des autres. T'as tout compris. Génial. Ouais. Tiens, je vais vous laisser choisir le dernier article. Battez-vous pas trop, là. Des jeux vidéo 3D sur votre netbook Acer. C'est le premier. 70% des foyers équipés de télé 3D d'ici 2015. La PSP Phone pour bientôt. Rumeur. Et puis finalement, bye bye QWERTY, bonjour ABCDE avec le clavier Fast Finger. Je te laisse décider qui est One. L'ancienneté. Qu'est-ce qui t'a juste dit? C'était quoi la rumeur que t'as dit à propos du PS? La PSP Phone. Ok, vas-y avec ça. Lors du récent Mobile World Congress à Barcelone, Bert Nordberg, patron de Sony Ericsson, a évoqué l'existence et la sortie future d'une PSP munie de fonctions de téléphonie ou d'un téléphone qui ferait tourner les jeux PSP dans une entrevue avec le magazine officiel du salon. Évidemment, pour en savoir plus, il va falloir aller lire l'article ici. Ah! Voilà. C'est ça. Je l'ai ici. Hein? C'est un lien que je m'étais laissé. Ça dit, nous avons manqué le virage des cellulaires à écran tactile. Une des manières de revenir sera un meilleur design et un travail plus proche avec notre partenaire Sony. Dans le passé, il n'y avait pas de lien entre nous, la plateforme PSP et Sony, mais vous pouvez vous attendre à en entendre beaucoup plus à ce sujet. Oui. La rumeur de PSP faisant téléphone déjà entendue l'an dernier risque donc fort de se concrétiser dans les mois qui viennent. Reste à savoir les fonctionnalités. Est-ce que ce sera un smartphone? Est-ce qu'il y aura un écran tactile pour composer les numéros? Dans ce dernier cas, ce cellulaire pourrait bien fort ressembler à la PSP Go, qui elle-même possède la coque du Milo 2. Voilà, ça c'était le boss de Sony Ericsson qui parlait, c'est pour ça que c'est une référence à leur partenaire Sony pour la PSP. Mais c'est un peu dommage ça par contre, parce que la PSP Go a paru, je crois, en fin d'année dernière, là, en fin 2009, dans la deuxième partie de l'année, et ça mettait déjà les propriétaires de PSP dans un certain... Il était pas content, il était fâché non, de devoir se racheter une console parce que là, les jeux étaient différents. Donc, il y avait plus de disques UMD, il fallait télécharger sur Internet. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, s'il ressort ça l'année prochaine, ça va faire d'autres mécontents encore. Un peu comme les gens qui avaient acheté des iPod Touch, puis ouais. L'iPhone est sorti peut-être 6 mois plus tard. Il y en a qui devaient être frustrés. Ça me fait penser un peu au truc Taco, là. Tu sais, c'est genre le téléphone, comment ça s'appelait déjà, la plateforme, là. C'était un téléphone cellulaire, ça se tenait comme ça. Quand tu voulais faire un appel, ça se tenait comme un taco, là. Tacophone, là, je me rappelle jamais de ce nom-là. Je sais pas, j'ai déjà vu des téléphones... Le N-Gage. De Nokia, excuse-moi. Le N-Gage, c'est une console. Ça n'a pas fonctionné au Québec. Là. Ça n'a pas atterri jusqu'ici, je pense. C'est ça. Moi, j'ai pas encore de téléphone cellulaire. J'en ai jamais eu. Toi, Kiwan, est-ce que t'as un téléphone cellulaire? J'en ai plus. T'en as plus? Je me suis libéré de ça. Toi, Mathieu, t'as un smartphone? Ouais, j'ai un iPhone. Ben, c'est je suis un peu tanné du iPhone, pour vrai. Ah ouais, déjà? Les batteries, ça dure vraiment pas longtemps. Et oui, il n'y a pas Android non plus dessus. Ben non. Je parle de technologie, mais je ne suis pas pantoute. Donc. J'ai regardé pour le N-Gage, ça a sorti pour la première fois en 2003, vers la fin de l'année, pour la première génération. Il y a eu une deuxième génération. Ils ont vendu 3 millions de la première génération. Et puis le 30 octobre 2009, Nokia a annoncé qu'il n'y aurait plus de nouveaux jeux qui seraient produits et que le service N-Gage allait cesser à la fin de 2010. Voilà. Au revoir. Ouais. N-Gage. Est-ce que ça va être sur le blog d'Assemblage Rocky, ces liens-là? Mais évidemment, tu fais bien ça. Tu dis les affaires, toi, au bon moment. Bah, cool. C'est plaisir. Voilà, c'est tout. Ah, il y a un festival geek aussi, que juste pour le mentionner, qui n'a pas rapport avec le sujet de la chronique d'aujourd'hui. Mais quand même, selon le blog Radio-Canada, le carnet techno, évidemment, de Bruno Guglielminetti. T'es capable de le prononcer? Moi, je suis pas capable. Guglielminetti, non? Non. Google! Donc, pour les intéressés, Montréal va accueillir la fin de semaine qui s'en vient, la première édition du Festival Geek Montréal, l'événement qui se veut un grand rassemblement de plusieurs types de geeks pour faire connaître la culture geek et la population montréalaise. Donc, c'est samedi et dimanche, le campus de Montréal de l'École supérieure d'informatique sera le théâtre de nombreuses activités geekiennes. Il va y avoir compétition de musique, débats, jeux en réseau, compétition de recettes geek, présentation de courts-métrages, des compétitions de programmation et de design d'une durée de 24 heures. Pour plus de détails, il faut aller sur le site du Festival Geek Montréal. C'est sur geekfestmtl.com. Voilà. On devrait prendre genre chaque catégorie que tu viens de nommer puis dire de quoi de drôle à chaque. Il y a quelque chose à dire à chacune. Genre faire de la musique de jeux vidéo avec des claviers. Ben, je sais que t'aimes bien la musique de jeux vidéo. J'adore, contre, j'en joue les jeudis d'ailleurs. J'espère. CNX.zip. Mais c'est pas... petit plug. C'est pas pour rire d'eux, mais quand ils parlent de concours de cuisine, c'est quoi? C'est genre du cheese whiz sur des petits carrés biscuits soda. Tu fais des drinks avec du Mountain Dew. Ouais, jeu en réseau, c'est World of Warcraft. Sûrement, ouais. Des choses comme ça, ouais. Les Patriotes de l'UQTR édition World of Warcraft. Oui, c'est ça. Matin Info. C'était en, à quoi UQTR en spectacle l'année passée. C'était très, très drôle. C'était toi, je pense, même, qui faisait la voix. Ça se peut-tu? Oui. Il me semble. Je crois. Je suis plus sûr. Bref, tout ça pour dire que voilà pour la chronique CNX. Puis pour ceux qui stressaient pour la PlayStation 3, tu te rappelles, Kiwan, c'était lundi que j'en ai parlé. Le problème avec la PlayStation 3, qu'il fallait pas ouvrir la console, ça a été réglé depuis. Donc, pour ceux qui écoutent que CNX, désolé. Mais il fallait pas l'ouvrir, pourquoi? Il y avait un problème. Est-ce que tu veux qu'on... Ça fait juste 15 minutes qu'on parle de choses geek, hein? On continue dessus? Ben non, mais je veux savoir pourquoi qu'on pouvait pas l'ouvrir. C'était un problème de date et de d'année bissextile. Et la console explosait si on l'allumait ou... Dans ce cas-là, je sais pas trop qu'est-ce que ça faisait exactement. Je sais qu'il y avait des problèmes avec le live, là, des erreurs de connexion. Ah, okay, ouais. Pour dire que ça a briqué des consoles. Ça doit pas. J'ai lu que oui, par place, mais j'ai pas trop été me renseigner là-dessus trop fort. Eh bien. Bah, pas c'est trop. Des phares qui arrivent dans la technologie, des choses comme ça. Pas de PlayStation 3 à la maison, moi. Non. T'as une Wii, par contre. J'ai une Wii. C'est bon, oui. Je joue pas avec, mais ouais, j'ai nous. Il y a des choses que je pourrais vendre dans la vie, hein. Je pourrais. Ben, si jamais t'as besoin d'en vendre. Tu vas pouvoir mettre ça sur le blog d'Assemblage Requis. Hey, t'essaies de nous sortir de l'inconfort. Kiwan n'aime pas ça quand on fait de l'inconfort. Il comme il aime pas ça, c'est vrai. Hein? De quoi tu parles quand tu parles d'inconfort? Il y a un visage impassible de toute façon. Ça n'a pas l'air de le déranger tant que ça. Non. Non, j'ai une poker face. Poker face. Oh, ouais. C'est des blagues d'actualité. Ça. C'est drôle parce que hier, en plus, j'avais pas vraiment de sujet de chronique à aller jusqu'à hier soir, très tard dans la soirée. Et très tard pour moi, c'est 7h15, là, mais tu sais, c'est tard, je me couche tôt. Mais donc, j'avais pas d'idée et je suis tombé sur un site où on parlait de la fameuse affaire de Lady Gaga qui serait un hermaphrodite. Et j'ai failli venir de vous parler de ça aujourd'hui. Finalement, j'ai trouvé autre chose à la dernière minute. Ben, c'est pas jour, du rock. Un jour, ça va devenir un mythe du rock. Ben, ça se retrouve déjà sur un des sites que je consulte à propos des mythes et légendes. Et oui, ça va vite l'information. Sur l'autoroute de l'information. C'est le même qu'on appelait l'Internet il y a 10-15 ans pour les jeunes qui nous écoutent. Sur le World Wide Web. Oui. La toile. L'affaire de l'armée, là. C'est ça, Al Gore. Al Gore. C'est Al Gore qui a inventé l'Internet. Ben oui. On lui doit beaucoup de choses. C'est clair. Bon, ça va faire tout ça. Kiwan, un petit peu de radio, ça te tenterait, ça te réveillerait peut-être de notre... Oui, on va aller écouter un extrait du palmarès francophone qui va être diffusé demain à 13h. On va écouter la pièce Cargué dans ma chaise. Cargué dans ma chaise! De radio. Et dans quelques minutes, en restant là, on a des billets pour la première mondiale du film Martin Clear, The Whole Story. On a ça à vous donner dans quelques minutes, donc restez à l'écoute. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièce détachée. Promise left over, she deft on barrack dans le fucking burnack. Sur le catwalk, texte mon laptop. La nuit est calme, faut que je presse les dames avec ma lazy walk, lazy boy, j'm'enjoy. Une bonne petite drink, saying I'm enjoy. All inclusive, non intrusive. Jose. Cargué dans la chaise, à la sortie de la maze. Belle smile, belle plume, dit centre à l'aise. Dire quoi si tu veux, si tu veux. Security est clear, this a tout se paye. Rolling belle smile, belle plume, sans balai. Lagos, Porto, I'ma fly away. 33 journées, y'a pas qu'au réalise, man. Jusqu'au nez. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. Cut it up.

Orange, orange, Montréal à moi, Assemblage requis. Maintenant, parlons de choses intéressantes. Oui, tantôt, on vous en a... Pour faire changement. On vous a annoncé tantôt, on en avait parlé un peu juste avant la pause, qu'on avait des cadeaux à vous donner. On a des paires de billets pour la première mondiale. Oui, c'est important de mondiale. Le mentionner. C'est vraiment inscrit sur le billet, première mondiale du film Martin Clear, The Whole Story. Qui on s'est fait raconter ça un peu, oui, là. Vas-y. Mais non, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Parce qu'on est, on a quand même un petit doute. On n'est pas sûr sur exactement ce que c'est, même si on vient juste de se le faire raconter. Mais c'est en fait un documentaire, donc un faux documentaire. Ou un faux documentaire. Un faux documentaire, c'est une bonne appellation. Oui. Sur finalement, ben en fait, faut dire que c'est un film qui a été réalisé par un réalisateur ici, la Mauricie, qui a été tourné ici aussi, je crois, en Mauricie. Et qui raconte finalement la fausse ascension d'un acteur qui veut se rendre au sommet, mais qui a finalement pas vraiment de moyens et qui décide de faire lui-même un film pour se créer un emploi et éventuellement le succès. Mais vu qu'il n'y a pas de budget, puis vu qu'il n'y a pas vraiment de gens autour de lui, ben ça donne un résultat un peu douteux, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça. Donc, c'est un faux documentaire. C'est ça, c'est présenté de la façon d'un documentaire, mais c'est un faux documentaire, donc c'est ça. Voilà. Donc, ça s'appelle Martin Clear, The Whole Story. Et on a une paire de billets pour vous, même deux paires de billets. Oui, la première, en fait, de ce film-là va être faite à la salle Antonio Thompson. Ici, c'est samedi le 6 mars, samedi qui s'en vient. Et puis, c'est ça, on a deux paires de billets à vous donner si ça vous tente d'aller voir ça en première mondiale, hein, je le rappelle. Oui, oui. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Mondial, c'est le 819-376-5183, 819-376-5183. Et on va prendre, pourquoi pas, les quatrième et cinquième appels. Ça te va? Parfait. Donc, pendant ce temps-là, nous, on va aller écouter une pièce du palmarès franco encore. Le groupe Monogrenade est la pièce ce soir. 819-376-5183 pour nous rejoindre en direct en studio. Vous écoutez C'est fou, et Assemblage Rock. Thank you. Décapote. Du groupe à la patate rose. C'est tout ce que je dis à ça. Décapote. Décapote. On dirait une expression. T'sais. C'est comme arrêter de capoter. T'sais. Décapote, en viens-en. Mm-hmm. Je suis sûr que c'est ça que ça veut dire. Moi. J'imagine. Sûrement pas. Mais t'as pas écouté les paroles, vraiment. Non. Ouais, c'est ça. Hey, l'émission est presque terminée pour aujourd'hui, Mathieu. Oui, c'est vrai. Dommage. Dommage. Oui, c'est si seulement le calvaire pouvait continuer. On écoute une petite pièce de Los Campesinos, There Are Listed Buildings, et on revient avec la conclusion. Ah, pauvre vous autres, hein? Ah, c'est pas facile. Bucket. You glug and you glug, and the titans in your stomach splash your shoes. You complain the tap water runs solid. Why you dangle fishing line for crabs, but they're not interested. I'm your only bite. I watch your face move in a compact mirror. How the powder settles in. Tied your listed heart. I think I'd do it for love if it were not for the money. I'll take any scraps that you can fishing boat, the creed adrift further than we could swim. Come on, midnight, neon signs have been unplugged. We fade, you dance the jig down at the harbor. Create your own flash show, security lights. I remember being naked to my waist, though not in which direction. Besides your listed heart, I think I'd do it for love if it were not for the money. I'd take any scraps that you can give. I think I'd do it for love if it were not for the money. I'd take any scraps that you can give. I think I'd do it for love if it were not for the money. Los Campesinos et There Are Listed Buildings. Et c'est là-dessus que se conclut, se termine, ce over-ease Assemblage requis pour une autre journée. Oui, on va être de retour demain à 15h, Mathieu, pour une autre émission d'Assemblage requis. Qu'est-ce qu'il y a dans l'émission de demain déjà? Vidons-la dans la question. Vidons-la dans la question. Aussi, on va recevoir, comme à chaque jeudi, Stéphanie Gagné, qui va peut-être nous apporter des scoops sur la première édition des Mardis de la Relève qui avait lieu hier. Elle qui est juge dans cet événement-là, donc bravo à elle. Sinon, sur nos ondes, à 17h, c'est Kiwan qui reste avec vous pour la dernière porte à gauche. Oui, peut-être une surprise aujourd'hui dans l'émission. Je l'espère, je croise mes doigts pour avoir une belle surprise, la belle visite. Ouais. On dira pas qui, on dira pas qui. Ensuite, à 18h, il y a En attendant avec Émilie Adam, qui va d'ailleurs faire une chronique dans l'émission un jour. Hein? C'est ça. Un jour. Volte-face à 19h et Psy TR à 21h. Restez là pour toute la soirée, puis soyez là demain aussi pour Simon Fitzbé à 7h avec On s'appelle et on déjeune. On se quitte avec une pièce de Hot Panda. Oui, Cold Hands, Chapped Lips, et on se retrouve demain avec plein encore de beaux cadeaux à vous donner. Soyez là demain, dès 15h. Ouh, bonne soirée, bonne émission, Kiwan. Merci. Ça fait plaisir. we're shaking hands. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no.